Le 8 juin, vers 3 heures du matin, les bellicistes sud-coréens ont tenté de capturer nos bateaux de pêche qui faisaient leurs travaux pacifiques dans les eaux internationales de la mer de l'Est de Corée. C'est encore un crime inhumain, insupportable. Quand nos deux bateaux de pêche étaient à la recherche du filet perdu au cours de la pêche, un navire de guerre sud-coréen Kyongbu apparut à la dérobée, a cherché à les faire mouiller sans aucune explication. Compte tenu de la tentative des pirates, nos pêcheurs y ont résisté désespérément. Alors, le navire sud-coréen a appelé même un hélicoptère qui a lancé les obus fumigènes et 30 minutes après, un autre navire sud-coréen Andong y a été intervenu. Nos pêcheurs les ont informés plusieurs fois qu'ils sont sur le retour après la pêche. Néanmoins, les autorités sud-coréennes ont lancé les vedettes pour encercler nos bateaux de pêche en tirant en l'air plusieurs centaines de balles de fusil automatique à 20 reprises pour réussir à la capture. Les bellicistes sud-coréens ont engagé le troisième navire de guerre et fait encercler de trois côtés nos bateaux de pêche. Nos pêcheurs se sont opposés jusqu'à la fin aux violences fascistes des marins sud-coréens et leur ont averti sévèrement. « Nous avons informé la patrie de vos actes criminels. Les militaires de l'armée populaire viennent pour nous sauver. » Les marins sud-coréens ont enfin pris la fuite en toute hâte. Mais les traîtres sud-coréens font courir de façon impudente la rumeur qu'un bateau de pêche du Nord a franchi la ligne de démarcation militaire maritime au large de Gosin de Kwasong de la province du Gangwon par une erreur de ligne de navigation et qu'ils l'ont permis de rentrer au Nord vers 7h10 du matin au niveau de l'humanitarisme une fois vérifié qu'il n'a pas l'intention de convertir.